Ou a faire demande beaucoup. Bien, bien. Maman chérie. Bien, bien. Céline, bien, bien. On va laisser le monde. Bien, bien. On va le caresser. Bien, bien. À la bambouillon, à la bambouillon, c'est les bonnes, les bonnes.